Bonjour Joseph Chovanec. Bonjour à vous, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour ce quatrième et dernier temps de cette série autour du handicap. Vous travaillez à l'université de Louvain, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Nos intelligences multiples, le bonheur d'être différent a été publié en 2018 aux éditions de l'Observatoire et vous étiez venu en parler à ce micro. Plusieurs autres ouvrages sur l'autisme et ce que vous appelez l'autistan. Qu'est-ce que c'est l'autistan ? L'autistan est le pays des gens bizarres. L'autistan a un parfum un peu d'Asie centrale, de ce lointain. Voyez ces noms en stan, quoi. Et peut-être qu'à force d'être toujours considéré comme étranger, toujours considéré comme bizarre, on en vient à rêver d'un pays qui nous soit propre. D'où le nom un peu facétieux d'autistan. Ce serait donc l'autistan. On peut y voyager, on peut rendre visite aux habitants l'autistan. L'autistan commence parfois tout près de chez vous. Hein. Peut-être même sans doute que vous avez des voisins un petit peu hors normes. Peut-être que vous-même vous l'êtes. En tout cas, bienvenue, la porte est ouverte à toutes les découvertes. Alors c'est moi qui vous souhaite la bienvenue ici. Pour résumer les choses, lundi, le professeur de philosophie Bertrand Cantin était à ce micro pour réfléchir à la manière dont la philosophie peut réfléchir sur le handicap. Hier, le professeur Lantieri, à qui l'on doit la première grève totale du visage en France, nous aidait à penser le lien entre défiguration et handicap. Et mardi, c'était la ministre Sophie Cluzel qui était à ce micro pour définir ce qu'elle nomme une société inclusive, qu'elle appelle de ses voeux. Et figurez-vous que nous avons parlé de vous, Joseph Chovanec. J'ai fait référence à un article que vous aviez publié en 2020 dans lequel vous disiez que la politique du gouvernement en matière de handicap avait pour conséquence d'étrangler les associations, hein, c'est votre expression. Alors pour être tout à fait juste, je vais lui laisser la parole et puis vous lui répondrez ensuite. Je vois pas de quoi il parle, sincèrement, parce qu'au contraire, l'étranglement des associations, j'ai transformé le Conseil national consultatif pour donner la parole aux personnes et aux associations. Nous avons fait une grande stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Je l'ai nommé personnalité qualifiée, le cher Joseph Chovanec, au sein du Conseil national supérieur, justement, de l'autonomie, le CNSA. Et donc, au contraire, je veux dire, je suis partie de l'expertise des personnes et des associations. Vous lui poserez la question. Et donc je vous pose la question, Joseph Chovanec, vous pouvez répondre à Sophie Cluzel. Je pense que au-delà des petites histoires et querelles qui n'ont pas d'intérêt pour le public, je pense que le principal obstacle à ce jour pour l'inclusion des personnes handicapées en France, ce sont les bureaucraties chargées de l'inclusion. Voyez. Et j'ai essayé de dire cette phrase un peu potache, hein, à un certain nombre de responsables associatifs et en privé, tous m'ont dit « c'est ça ». Aujourd'hui, en France, le domaine du handicap a atteint un tel stade de bureaucratisation qu'il est devenu à peu près impossible de s'en sortir, que ce soit à l'école, que ce soit dans les établissements liés au handicap, ou médico-sociaux, comme on dit parfois. Pardon de le dire de façon encore plus provocatrice, si j'étais prof des écoles, comme les masseurs par exemple, je prierais le ciel jour et nuit pour ne pas avoir d'élèves handicapés dans ma classe. Non pas à cause du handicap, évidemment, je passe mes journées à fréquenter le monde du handicap, mais parce que la bureaucratie, les obstacles techniques, administratifs sont devenus tels que la chose devient très difficile à vivre. Dans ce sens, des choses ont été faites pour alléger, semble-t-il, la situation. Sophie Cluzel disait que désormais, les personnes handicapées n'ont pas à prouver tous les 3 ans qu'elles sont handicapées, donc c'est autant de procédures qui sont facilitées. Je pense pouvoir connaître assez bien le quotidien des établissements et même des écoles. Et les procédures, les grilles à remplir sont de plus en plus lourdes, ce qui est à mon avis une cause majeure de la fuite des professionnels d'ailleurs. Comme vous le savez, il est devenu extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, de recruter dans le domaine du handicap. Et je pense, je suis convaincu que c'en est une cause. Puis deuxièmement, je pense que depuis l'élection du président actuel, il y a eu cette volonté de reprendre en main le secteur du handicap par une petite équipe de techniciens de choc. Et la difficulté, c'est qu'il fallait passer par-dessus les cadavres un peu des associations préexistantes, hein, voyez. Et cela a donné lieu à un grand nombre de dérives. Dérives, bien sûr, sur le plan démocratique, c'est la conséquence première, hein, mais aussi en termes, on va dire, de contrats, on va dire, plus ou moins officiels entre les uns et les autres, entre un petit milieu. Mais est-ce qu'il y aurait une manière de faire qui serait, selon vous, plus appropriée, ou c'est le fait même que ça puisse être entre les mains du gouvernement et donc de l'État qui vous pose problème ? Regardez, je travaille, vous l'avez dit au tout début, en Belgique, où je passe désormais une bonne petite partie de ma vie. Il y a beaucoup de personnes handicapées françaises qui vivent en Belgique. On parle des gens qui vivent en établissement, ça on en parle de temps en temps, mais même hors établissement, voyez. À tel point d'ailleurs que dans le vocabulaire français belge, par exemple à l'université où je bosse, quand on dit d'un étudiant c'est un français, le sous-entendu c'est qu'il est handicapé. Parce qu'il y a une telle affluence de Français handicapés et vice-versa. Essayez de trouver le nombre de Belges handicapés vivant en France. Vous n'en trouverez pas beaucoup. À quoi c'est dû? C'est très simple, ça rejoint votre question. Il y a une vingtaine d'années en France, quand on avait un projet sur le handicap, même un projet totalement farfelu en apparence, on allait voir des élus locaux, on allait voir la DAS éventuellement, on bricolait un financement et ça démarrait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut attendre les appels à projets de l'ARS, voyez, l'Agence régionale de santé, qui est l'espèce de préfecture qui chapeaute, pour ne pas dire écrase, le monde du handicap dans chaque région. En Belgique, ce n'est pas le cas. Voyez, imaginez la vie sans ARS, sans Agence régionale de la santé, sans maison départementale du handicap. Voyez, imaginez la vie, je dirais, qui peut bouillonner en dehors des grilles administratives. Donc pour vous, c'est vraiment c'est aux associations de prendre ça en charge. Je crois que le handicap pose une question politique fondamentale. Voulons-nous d'un régime centraliste façon Poutine ou voulons-nous d'un régime décentralisé? On vit pas non plus en Russie, hein. Ceci étant, on pourra en parler, je suis fils de réfugiés politiques, mes parents ont connu le goulag, hein. Voilà, bon. Donc, ce ne sont pas forcément des termes que j'utilise à la légère. Et moi-même, je suis pétri de culture soviétique, hein. Mais j'allais dire, je suis convaincu qu'il est très immature politiquement de considérer que la politique se résume à la nomination au casting d'un chef tous les 5 ans. Mais bon, ça c'est ma petite conviction. Vous voulez vous présenter? Vous savez que vous avez un parrainage au cas où vous vouliez vous présenter aux élections présidentielles? Je pense que c'était plus une sorte de plaisanterie. Ceci étant, je crois que la question véritable n'est pas de savoir qui occupera tel ou tel siège. La question véritable, c'est de la structuration d'un espace politique où tout le monde pourra être inclus, tout le monde pourra avoir sa place. Vous reprenez le terme d'inclusion. Est-ce que pour vous, une société inclusive est une société vers laquelle il faut tendre? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Le terme inclusion, c'est le nouveau terme à la mode. On a parlé d'insertion à une époque, d'intégration, maintenant d'inclusion. Il y a un usage liturgique du terme inclusion. Vous voyez, quand vous voulez, par exemple, briller en société, briller y compris dans les médias, dès qu'on vous parle de handicap, parler d'inclusion. Il y a des virtuoses de cette rhétorique-là, hein, qui vous font presque pousser aux larmes. Il y a un souffle messianique parfois dans les salles lorsqu'il y a certains phareteurs sur l'inclusion. Mais est-ce que, j'allais dire, cet usage liturgique du terme inclusion peut servir de politique? Je ne pense pas. Après tout, le terme inclusion, c'est un terme comme on pourra en trouver d'autres. En aucun cas, on ne peut espérer le salut de ce terme. D'ailleurs, pour être très taquin, juste en 10 secondes, oui. En russe, on pourrait traduire inclus avec la notion de clé par zaklyuchony. Et c'est le terme qu'on utilisait pour désigner les membres, enfin les détenus du goulag, quoi. Vous voyez, donc le même terme inclus peut avoir toutes sortes de sens, quoi, hein, vous voyez. Donc, je regarde le concret, hein, au-delà de la rhétorique. Alors, précisément, le terme inclusion inclusive, ces termes-là ont été mis en place à partir du constat suivant. Les personnes dites handicapées étaient personnes qui étaient exclues de la société ou qui ne vivaient pas assez, selon un certain critère, en harmonie avec le reste de la société. Il y a donc un présupposé qui est que le handicap est quelque chose qui contraint la personne handicapée à vivre hors normes, dans les marges, à côté. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez », qui laisse entendre qu'il y a un renversement de votre part. Qu'au fond, la personne handicapée ou la personne autiste, à vous de nous dire d'ailleurs si la personne autiste est une personne handicapée selon vous, n'a pas quelque chose en moins, mais a quelque chose en plus. Et qu'au fond, il y a comme un retournement des choses. Il y a toujours un retournement qui n'est pas spécifique à l'autisme, ni même au handicap. Beaucoup de minorités ont inversé le style stigmata. Mmh. Le terme technique en linguistique, c'est le Geusenwort. Hein. C'est le terme qui est considéré comme péjoratif, mais qu'une minorité reprend. Hein, vous voyez, on a connu cela dans le cadre, par exemple, du mouvement féministe ou féminin. Mmh. On a connu cela, par exemple, dans la communauté LGBT, ou les communautés plutôt. Mmh. Hein, et dans le monde du handicap, évidemment, on peut essayer de retrouver les mêmes tendances. Hein. Alors, au-delà des questions rhétoriques, hein, ce qui importe, c'est la relativité du handicap. Hein. Le handicap est quelque chose de relatif. En grande partie. Hein. Si, par exemple, vous êtes la seule personne qui voit, donc non aveugle, voyante, comme on dit, hein, dans un groupe de personnes aveugles, c'est vous qui serez en situation de handicap. De même, par exemple, pour un groupe d'étudiants, d'élèves, que sais-je, autistes, et s'il y a un élève, une personne non autiste, cette même personne sera handicapée. Vous voyez, donc ça n'explique pas tout le handicap, mais il y a une bonne part de relativité, oui. Est-ce que vous avez une définition du handicap ? Là, il y a eu toutes sortes de querelles pour établir des définitions. Au début, il y avait la définition dite purement médicale, puis il y avait le modèle social du handicap qui dit donc que le handicap, c'est la situation de handicap que la société inflige sur la personne. Mais je dirais, c'est comme avec les Japonais. Vous ne réussirez pas à me donner une définition parfaite de la japanité. Hein. Mais par contre, quand vous êtes face à un Japonais, vous savez ce que c'est. Mais c'est toute la question de l'essentialisation d'une personne handicapée. Est-ce qu'on peut donner la parole à une personne handicapée sans en faire une substance, sans que le mot de handicap réduise la personne à ceci? Tout à fait. Sauf que là, nous retrouvons la question qu'on se posait juste avant. Sur le plan administratif, sur le plan bureaucratique, vous devez rentrer dans des cases, vous devez avoir des labels. L'être humain occidental ne peut pas imaginer son existence hors bureaucratie, quoi. Voyez. Et donc, la nécessité de ce label. Mais dans une société, une politique réellement inclusive, la question du handicap ou non ne devrait pas se poser. Alors précisément, je vous demandais la définition du handicap, c'est aussi une manière peut-être de définir l'autisme. Est-ce que les personnes que l'on qualifie d'autistes ne sont pas beaucoup plus nombreuses que ce que l'on croit? Ça dépend du diagnostic et puis ça dépend des traits de caractéristiques qu'on utilise pour essayer de les définir. Je vais prendre un exemple que vous avez pris, Joseph Chovanec, et vous nous direz ensuite. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bipi, vous rappellera nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Alors comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, je vous remercie. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure, il est très amusant. Ah oui, j'essayais de faire un message un peu original. Très réussi, j'en ris encore. Figurez-vous que tout le monde m'en parle, et j'ai même des amis qui me demandent de faire leur message. Ah mais ça ne m'étonne pas du tout. Je vois que vous avez un répondeur, si vous voulez, je peux... Non, ça n'est pas la peine. Parce que j'en ai pour une minute. Hein. Non, vraiment, il est très bien comme ça. Bon, peut-être un peu classique pour vous, mais... Je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Moi aussi, monsieur Brochamp. Depuis que vous m'avez appelé au ministère, c'est bête à dire, mais je suis comme sur un nuage. J'ai d'abord cru que c'était une blague. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui. Non, vous étiez parfait. Qu'un grand éditeur comme vous veuille publier un ouvrage sur mes maquettes et que vous m'invitiez à dîner en plus... Vous avez changé ma vie, monsieur Brochamp. Ça fait depuis 1998 que le film Le Dîner de cons de Francis Weber avec Thierry Lhermitte et Jacques Viret dans cet extrait fait rire des milliers, des millions de Français. Et vous dites, Joseph Chovanec, que ce film, pour vous, est une description parfaite de ce qu'est l'autisme. Oui, au-delà du cas individuel de tel ou tel film, hein, je pense que la présence de l'autisme, la présence du handicap est beaucoup plus forte qu'on ne le croit hein, dans le monde culturel, le monde du cinéma par exemple. Hein. Et donc, par exemple, on peut citer ce film-là, on peut en citer beaucoup d'autres. Ça fait déjà des années que j'essaie d'explorer ces questions. Il y aura un livre qui va paraître sur ces sujets-là, une compilation un peu de portraits de gens autistes de l'univers de la fiction. Qui s'appelle « Ils sont parmi nous », c'est ça ? 38 portraits d'autistes célèbres, édition Luc Pire. Tout à fait. En fait, ils sont plus que 38, mais n'importe. Hein. Ce qui est intéressant peut-être de voir, c'est à quel point le monde dit de la normalité est en quête de cette différence-là. Hein. C'est comme si on ne pouvait pas exister sans cet autre. Hein. Parce que pour le dire très crûment, hein, pour être un peu brutal... dans l'univers, par exemple, des films hollywoodiens, le nombre d'ingrédients est très restreint. Hein. Vous devez avoir une histoire d'argent, une histoire, on va dire, d'amour, pour être très pudique dans les termes, et de la violence, des fusillades. Voyez. Ces trois éléments-là, on les a déjà combinés dans tous les sens. Hein. Et on a besoin de quelque chose de nouveau. Hein. Et les producteurs de cinéma sont en quête, hein, parfois désespérément, d'histoires nouvelles, de profils humains différents. Et l'histoire que j'ai, à laquelle j'ai assisté des dizaines de fois, c'est que des gens de ce monde-là viennent voir des camarades autistes, essayent de leur piquer des anecdotes, quoi. Évidemment, leur nom n'apparaîtra pas hein, dans le générique des films. Évidemment, ils ne sont pas rémunérés. C'est quelqu'un d'autre qui aura l'argent et la gloire. Hein. Mais l'inspiration est très claire. Hein. Et quand on y réfléchit un peu, si on enlevait toutes les personnes différentes dans le patrimoine culturel de l'humanité, qu'est-ce qui resterait? Oui, hein, mais différent. Vous employez différent pour dire autiste? Non, parce que, comme vous le savez, les catégories médicales fluctuent au cours du temps. Par exemple, de nos jours, on ne diagnostique presque plus la schizophrénie, quoi, hein, voyez. Mais une façon de dire bizarre ou différent, cela permet précisément de ne pas reprendre un vocabulaire purement médical. Parce que dès qu'on reprend un vocabulaire médical, la tentation est grande d'y voir l'alpha et l'oméga de la personne en face de soi. Hein. Mais est-ce que le problème n'est pas ensuite de considérer que toute personne un peu bizarre ou un peu différente est autiste? Parce que là, ça conduirait à d'autres problèmes aussi. J'en suis tout à fait conscient. Hein. Et c'est pour cela, justement, qu'il convient de se focaliser sur des personnages de fiction. Alors parlons de François Pignon, du dîner de cons. Dans le dîner de cons, hein, vous avez remarqué qu'il a des centres d'intérêt tout à fait spécifiques, la collection d'allumettes. Vous avez remarqué qu'il ne comprenait absolument pas ce qu'on appelle le second degré. Hein. La compréhension du langage est au pied de la lettre. Ses maladresses, ses gaffes, que ce soit verbales, relationnelles ou même en termes de mouvements physiques, hein, sont légendaires. Hein, voyez. L'histoire ne serait pas pensable sans ce personnage. Et le clou du spectacle, si vous le permettez, c'est que suite à la parution de ce film, hein, certains de mes amis autistes, pour la première et seule fois de leur vie, avaient été invités à dîner. Voyez. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Hein, mais leur entourage l'avait compris. Voyez, avait compris que c'était le même profil que le monsieur dans le film. Ah, voilà. Donc, et ça, j'allais dire, ce genre de constat, hein, on peut le voir dans nombre d'autres films. Hein. L'un de mes cas préférés, ce pourrait être, par exemple, SOS Fantôme, le tout premier. Pourquoi est-ce que le tout premier a eu du succès? Et mais les tentations de reprendre le concept n'ont jamais marché. Parce que dans le tout premier, à ce personnage, qui est autiste dans la vraie vie aussi, hein, donc ce n'est pas juste un jeu d'acteur, hein, et qui a sa saveur, qui a son vocabulaire. Hein. Et ça a donné ce cachet absolument unique au premier numéro de Ghostbusters, hein, voyez, mais qui n'a pas su prendre par la suite. Et si on continue les exemples, puisque vous en prenez beaucoup, on trouve notamment Winnie l'ourson. Bourriquet suivait le cours d'eau jusqu'à son coin lugubre, qui avait l'air plus lugubre que d'habitude. C'est pathétique. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas mieux sur cette rive. Tout le monde s'en moque. Personne ne m'a remarqué. C'est pathétique. Bourriquet, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai quelque chose? Tu as l'air si triste. Pourquoi serais-je triste? Alors au fond, vous dites que les personnages de Winnie l'ourson pourraient servir de manuel d'apprentissage de la psychiatrie, Joseph Chovanec. Oui, et ce n'est pas simplement pourrait, mais ça se fait déjà hein, dans le monde anglo-saxon, hein, avec par exemple évidemment Bourriquet qui est presque un modèle caricatural de la dépression, hein, voyez. Et on pourrait continuer à défiler le fil, hein, mais d'une certaine façon, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point on a besoin de cette différence au sens pluriel du terme, hein, et à quel point, d'une certaine façon, les sociétés humaines deviennent ternes dès lors que tout le monde est identique l'un à l'autre. Mmh. Oui, mais encore une fois, cet éloge de la différence peut se faire sans référence ni à la psychiatrie, ni au handicap, ni à l'autisme. Vous savez, la psychiatrie ou le diagnostic, c'est une chose. Mais quand vous êtes face, par exemple, à une personne aveugle, que cette personne est votre ami, votre collègue, voire votre patron, j'ai travaillé pendant 8 ans à peu près pour une personne aveugle, hein, et Amou Bouakas, pour le nommer, ancien adjoint maire de Paris. Donc, vous ne pensez plus au fait qu'il s'agisse d'une personne aveugle. Hein, et c'est ça le plus intéressant, c'est ça le plus important, hein, de savoir percevoir l'autre, non pas sous un critère médical. Et la situation caricaturale contre laquelle il faut lutter, c'est ce qui se passe dans certains, même beaucoup d'établissements médico-sociaux ou apparentés, lorsqu'on parle non pas de monsieur, madame, un tel, une telle, mais du schizophrène du pavillon 7. Vous voyez, ça c'est terrible. Et on se rend compte qu'il y a parfois des professionnels d'établissement qui côtoient depuis des années certaines personnes et qui n'ont strictement aucune idée de qui est cette personne, quel est son passé, qu'est-ce que cette personne aime faire, qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans la vie. Hein, ça c'est assez terrifiant. Mais que fait-on dans la société civile pour à la fois permettre un accroissement de la visibilité des personnes handicapées et en même temps ne pas les réduire à leur handicap ? On en revient toujours au même. Comment se fait-il que dans le système politique ou même dans les élites économiques ou médiatiques, il y ait tellement peu de personnes handicapées, hein? Si la proportion était respectée à l'Assemblée nationale, il devrait y avoir une bonne soixantaine, peut-être une centaine de députés en situation de handicap. C'est 15 ou 20% de la population française, c'est ça? À peu près. Ouais. Bon, après, évidemment, comme encore une fois, les grilles administratives se fluctuent, hein, donc on n'a pas de chiffre exact, et Dieu merci, hein, j'ose dire. Mais la problématique de la présence ou absence des personnes handicapées est tout à fait centrale. Comment se fait-il qu'en France, il n'y ait pas de reconnaissance du handicap, des droits des personnes handicapées dans la Constitution? En Belgique, c'est le cas. Dans beaucoup de pays, c'est le cas. Voyez, comment se fait-il, par exemple, qu'on ait tellement de mal à trouver des personnes handicapées dans l'univers médiatique? Voyez, ce sont de vraies questions, quoi, hein, et qui devraient avoir une réponse, mais malheureusement, elles n'en ont pas beaucoup. Oui, mais la question que je vous posais, c'est comment faire pour donner la parole aux personnes handicapées sans pour autant donner l'impression que ce sont justement les handicapés de service, comme vous disiez. Comment on trouve la bonne façon de faire? Je pense que le système de quotas ne marche pas à cet égard-là, hein. Je pense que, au contraire, c'est dû à un problème de culture politique plus générale, hein. Lorsque, j'allais dire, l'élu politique, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est votre voisin, comme par exemple en Suisse, hein, ou alors en Belgique, il y a tant de ministres que plus ou moins tout le monde est ministre, quoi. Vous voyez? Donc, il est difficile d'avoir des blagues sur les hommes politiques. En Suisse, les blagues sur les hommes politiques ne marchent pas. Ça ne fait pas rire les gens. Pourquoi? Parce que l'homme politique, ben, c'est votre voisin, c'est celui que vous, celle que vous croisez le dimanche qui fait sa balade en montagne, quoi. Vous voyez? C'est ça. Mais dès lors qu'il y a un verrouillage, une réduction drastique des possibilités de tout un chacun d'avoir sa place, je veux dire sur la place publique, alors que ça devrait être évident, quoi, hein, on en aboutit à des situations, ben, d'exclusion, et c'est un profil très particulier qui est le seul à émerger. On parlait de psychiatrie, je ne suis pas sûr que le profil qui émerge le plus soit le plus psychiatriquement sain, mais c'est un autre débat. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle nature est constitué le regard que l'on peut porter sur la personne que l'on va juger soit différente, soit handicapée, puisque c'est de ça dont nous parlons cette semaine. Je vous propose, pour réfléchir sur ce sujet, d'écouter un texte magnifique de Stefan Zweig, qui porte d'ailleurs ce nom emblématique, « La pitié dangereuse ». Écoutez. Je me penchai rapidement et effleurai le front d'Edith de mes lèvres, en prenant soin de ne toucher qu'à peine sa peau. Je sentis seulement de tout près l'odeur de ses cheveux. Mais à cet instant, ses deux mains, qui jusque-là reposaient sûrement dans la tente, se soulevèrent, et avant que j'eusse pu détourner la tête, deux crochets me prirent par les tempes et attirèrent ma bouche du front jusqu'à ses lèvres. Si la jeune fille m'avait frappé, insulté, craché à la figure, cela m'aurait moins bouleversé, car avec ses nerfs à vif, j'étais préparé à tout. Mais pas à ce que cette malade, cet être abîmé, puisse aimer et vouloir qu'on l'aime. Que cet enfant, cette créature à peine formée et impotente, puisse, je n'ai pas d'autre mot, se permettre de m'aimer, de me désirer, avec la sensualité et l'intuition d'une véritable femme. J'avais pensé à tout, mais pas qu'une malheureuse, incapable de traîner son corps, pu rêver d'un amoureux, d'un amant, et se méprendre à ce point sur mes visites, à moi qui ne venais pourtant chez elle que par pitié. Mais déjà l'instant d'après, je compris avec un nouvel effroi que seule cette pitié passionnée avait poussé la jeune fille esselée, éloignée du monde, à attendre de moi le seul homme qui lui rendit visite jour après jour dans sa prison, un autre et plus tendre sentiment. Et l'imbécile que j'étais, avec sa candeur idiote, n'avait vu en elle que la paralytique, l'enfant, et pas la femme. Pas un instant l'idée ne m'avait effleuré que sous cette couverture qui l'enveloppait, respirait, sentait, attendait le corps nu d'une femme qui, comme toutes les autres, désirait et voulait être désirée. Jamais, avec mes 25 ans, je n'aurais pu imaginer que les disgraciés de la nature, les malades, les trop vieilles, les exclus, elles aussi, puissent oser aimer. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons du handicap cette semaine pour ce quatrième et dernier temps. Je suis en compagnie de Joseph Chovanec et nous venons d'entendre un extrait de La pitié dangereuse de Stefan Zweig, lu par Bernard Gabet, texte donc de 1939. Très cru, voire cruel, parce que ce à quoi on assiste dans ce texte est à la découverte par le narrateur que derrière le corps de cette jeune femme sur un fauteuil roulant se trouve, selon ses termes, une véritable femme. Oui. Comme si, aveuglé par la pitié, il avait oublié qu'il y avait quelqu'un derrière. Oui, tout à fait. Je pense que dans le monde du handicap, le mésusage de la pitié est une réelle problématique. Hein, parce que derrière certains affichages de vertu se cachent d'assez sombres réalités. Hein, et ça, malheureusement, on commence à le découvrir par rapport à certaines fondations anciennes. Hein, au Canada, par exemple, on parle beaucoup des abus, hein, des grandes fondations du passé. Hein, mais malheureusement, ces choses-là continuent à se produire sous différentes formes. Hein. Donc, savoir comprendre l'être humain dans l'autre, hein. Savoir peut-être aussi avoir cette culture du handicap, cette culture de l'autre. Hein. En somme, ce n'est guère différent de, par exemple, savoir découvrir l'humanité des Japonais. Voyez. Si on n'a que des Japonais, une image diabolisée, simplifiée, outrancière, comme ça a pu être le cas à certaines époques, hein, ou comme c'est le cas dans certains discours racistes, voyez, eh bien, on passera totalement à côté et on aura ces moments tendus de découverte que l'extrait décrit avec cette plume magnifique, hein, de Zweig. Hein. Et bien, justement, c'est peut-être cette culture de handicap que l'on devrait chercher à diffuser, en tout cas partager. Une culture du handicap, vous dites? Absolument. Tout comme il y a par exemple une culture de connaissance, d'acceptation de l'autre, qu'il soit japonais ou autre. Mm. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'homogénéité? Parce que là, vous prenez l'exemple des Japonais. On peut dire que les Japonais ressemblent à ceci, cela, mais enfin bon, l'essence du Japonais, on n'arrive pas tellement à la saisir. C'est pareil tout pour comme, le handicap. Tout comme les personnes en fauteuil roulant, quoi, hein, voyez-vous. Hein. Mais ce que j'allais dire, au-delà de peut-être ces certaines grilles, hein, certaines réductions, c'est à mon avis la mission de l'école. À quoi sert l'école? À quoi devrait servir de l'école? Apprendre en quelle année, à quelle date est mort Louis XIV? Si vous savez que c'était le 1er septembre 1715, vous avez droit à un diagnostic de je ne sais trop quoi. Hein. Voyez, on n'est pas censé savoir ça. En tout cas, on peut l'apprendre sur Internet, au hasard. Hein. Voyez, l'école devrait servir à apprendre à vivre, à découvrir toutes sortes de formes d'humanité. Voyez, ça, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire en lisant une encyclopédie le soir. Quoi. Voyez. Oui, mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure du danger, peut-être, de vouloir étendre le domaine du handicap ou de l'autisme au maximum, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les écoles avec les plus jeunes. C'est que dès qu'un enfant sait beaucoup de choses ou un comportement un peu bizarre, on veut le faire diagnostiquer autiste. Il ne s'agit pas forcément d'étendre le champ de je ne sais quel label, il s'agit d'assurer la présence des gens. C'est très différent, quoi. Les labels, à la rigueur, ça, c'est une réalité administrative, médicale, bureaucratique, etc. Ce sont les gens qui comptent. Est-ce que la personne, oui ou non, pourra avoir sa place? Est-ce que, oui ou non, la personne pourra être et j'utilise le terme à dessein, dans l'enseignement dit supérieur. Alors, pas supérieur par notion de hiérarchie, mais l'enseignement des adultes. Comment se fait-il qu'à ce jour en France, il n'y ait quasiment rien, que ce soit sur un plan juridique ou sur un plan politique, pour l'inclusion, la formation des adultes en situation de handicap? Ce sont de vraies et graves questions. Comment se fait-il que mon métier en Belgique à l'université n'existe pas en France? Quel est votre métier? Je travaille avec les étudiants handicapés qui font des études de philosophie ou de théologie, mais surtout de philosophie. Voyez. Vous avez fait vous-même des études de philosophie? Tout à fait. Et dire ce métier-là, ce rôle-là n'existe pas en tant que tel dans une université française. Voyez. C'est une question tout à fait grave. C'est une question qui pose celle de l'avenir des personnes. Parce que nous vivons dans des sociétés où il est indispensable d'acquérir des compétences. Des compétences que l'on n'acquiert pas, pardonnez le terme, en classe de maternelle. Et dès lors, il est absolument décisif pour l'avenir des personnes, mais aussi pour l'avenir de la collectivité humaine, de réfléchir à ces points-là. Est-ce que c'est, selon vous, ce qui explique cette fameuse pitié dans le regard dont parle Zweig? C'est qu'on a pitié de personnes dès lors qu'elles sont, en fait, le fait de ressentir de la pitié pour quelqu'un est une manière de l'exclure déjà. Oui, en tout cas, la pitié peut avoir une forme, je dirais, de respect, de noblesse. C'est ce qui fait, ce sont ces grands sentiments qui fait qu'on est un être humain et pas une bête. Enfin, même si le terme bête est ici abusif, hein, parce que les animaux, eux aussi, ressentent beaucoup de choses, parfois plus que certains humains, mais soit dit au passage. Mais, je veux dire, ces sentiments primaires, on va dire, ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de l'existence humaine, voyez-vous. Hein. Donc, si, par exemple, le ressenti de pitié ou de compassion peut aider à ce que telle personne ne soit pas broyée, j'ai le mot respect envers cette attitude. Hein, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Et comment on fait pour rejeter ou détourner un regard de pitié? Et est-ce que, j'allais dire, faut-il le rejeter? Je pense qu'au contraire, il faut construire un cadre beaucoup plus inclusif à côté, en parallèle ou en plus de ces sentiments, on va dire, primaires. Hein. Vous voyez, les bébés ont un visage tout rond, tout grand, avec de grands yeux. Il y a quelque chose dans le cerveau humain qui fait qu'on se sente un peu désarmé face à eux, dont on a envie de les aider. C'est presque biologique. C'est biologique, d'ailleurs. Hein. Mais on ne peut pas construire une société, on ne peut pas construire des vies humaines uniquement sur cela. Alors si ça aide à ce que moins d'enfants soient battus, abandonnés, affamés, c'est très bien, c'est nécessaire, hein, mais ça ne devrait pas être toute la question du handicap. Mon frère, ça a été une énigme très tôt. C'était un enfant merveilleux, mais très tôt, on l'a trouvé un peu bizarre. Et voilà, c'est... D'année en année, j'étais plus inquiète et plus perplexe à son sujet. Moins que mes parents, bien entendu. Le silence sur mon frère, parce qu'on m'a jamais tellement parlé de mon frère. Je vivais avec lui, puis on l'a séparé de moi. Parce qu'il venait un peu violent. Pas vraiment, pas très. Et tous ces silences, tous ces secrets, je sais pas si le mot de secret est juste, tous ces non-dits ont fait que j'étais évidemment très très cherchante, pas chercheuse, mais cherchante. Et c'est la philosophie qui se présentait comme ce qui pouvait non pas donner la vérité, mais éclairer l'ombre. C'est la philosophe Elisabeth de Fontenay, c'était sur France Culture en septembre 2018, qui a écrit un ouvrage intitulé « Gaspard de la nuit » dans lequel elle parle de son frère atteint d'un handicap mental, et en parlant de lui, elle emploie le mot d'énigme, elle parle de silence, elle parle de secret, et vous entendez le soin qu'elle met à trouver le mot juste pour essayer de nommer l'expérience qu'elle a eue aux côtés de son frère, pour finalement dire qu'elle était non pas chercheuse, mais cherchante. Le mot est magnifique. Tout à fait. Oui. cherchante, voilà, cherchante d'humanité. L'être humain est tout à fait fascinant. Il est beaucoup plus riche, beaucoup plus multiforme qu'on ne le croit parfois. Et c'est un peu ce qui me met très en porte-à-faux, voire en fureur, par rapport à certains modèles de l'être humain. En début, quand on fait des études d'économie, on apprend le modèle rationnel d'irrationnel, de l'homo economicus, qui cherche à maximiser son utilité, pardonner le charabia, en gros qui est égoïste et qui fait les choses pour sa pomme, hein, pour dire de façon plus simple. Hein. Mais l'être humain n'est pas comme ça. L'être humain réel est beaucoup plus intéressant que cela. Et de même, par exemple, dans toutes les modélisations qu'utilisent les acteurs de la vie politique pour modéliser l'opinion, etc., on est frappé par le côté extrêmement primitif, extrêmement réducteur que l'on assigne à l'être humain. Quoi. Mais ça ne fonctionne pas. Et je crois que les événements politiques de ces dernières années, à peu près, ont jeté une lumière particulièrement crue sur ce point. La modélisation de l'être humain, pardon, mais ça ne marche pas, et heureusement. Vous pensez à quels événements ? Un petit peu ce qui s'est passé dans le contexte pandémique, des législations adoptées ou pas. Vous voyez, ces questions de modélisation du comportement humain ont été au cœur. Mais évidemment, la campagne présidentielle ou autre revient au premier plan sur ces questions-là. Elisabeth de Fontenay dit que c'est sans doute ce travail de cherchante aux côtés de son frère, ce qui l'a conduit à s'engager dans la philosophie, dans la réflexion philosophique. Est-ce que vous comprenez ce recours à la philosophie pour essayer de comprendre ? Tout à fait. Il y a des gens, nombreux, j'en connais, très intelligents, qui ignorent le nom du président français actuel. Et là, je pense que ma propre sœur a vérifié, pardon, mais je ne suis pas très sûr qu'elle connaisse le nom du président actuel. Donc là, je dirais presque les bienheureux. Vous voyez? Ouais. Parce que d'une certaine façon, ça montre, leur présence montre qu'on peut vivre de façon totalement différente par rapport, on va dire, à certaines grilles qui paraissent incontournables, qui paraissent nécessaires. Mais en fait, non, il y a un espace de liberté autour, il est même gigantesque. Mais sur le rôle de la philosophie ? Sur le rôle de la philosophie, évidemment, être en face de cette porte qui s'ouvre sur un champ infini, ça oblige à une réflexion. Si on est en permanence face à des gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes références que vous, quel type de réflexion cela induira ? Très peu. Hein. Ça induira des réactions, je dirais, d'évidence. Hein. Lorsque, par exemple, une personne a exactement les mêmes opinions que vous, il n'y a pas réellement d'avancée du dialogue, pour reprendre ce fameux terme dans l'histoire de la philosophie. Quoi, hein. Et là, en l'espèce, ce n'est même pas un dialogue entre deux, quoi. Hein, mais c'est vraiment un dialogue face à cet infini qui peut s'ouvrir face à soi lorsque l'on est en présence du handicap. Et ça répond peut-être aussi à la question que vous posiez précédemment dans le monde de la culture. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pastiches de personnes différentes, de personnes handicapées, de personnes autistes ou autres ? C'est qu'on en a désespérément besoin, quoi. Pour monter, par exemple, un film qui sort de l'ordinaire, un film qui remue profondément les gens, un film ou un livre, bien sûr. Alors justement, les films sur le handicap, il y en a quelques-uns, sur l'autisme, il y en a quelques-uns aussi. Le problème est toujours le même, à la fois de visibiliser et peut-être d'en faire une situation qui pourrait devenir normale. Je vous propose d'écouter un extrait du film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache qui s'appelle « Hors normes ». Bon, déjà, je tiens à vous remercier de prendre le temps de nous recevoir, M. Marchetti. Vous avez dû envoyer le mail à pas mal de monde, j'imagine. 10 000. Croyez-moi ou pas, on a envoyé le mail à 10 000 chefs d'entreprise. Et vous avez eu beaucoup de réponses ? Je ne peux pas vous dire qu'on croule sur les propositions. Hein. C'est pour ça que je me suis permis d'insister un peu auprès de vous. Puis je ne vous cache pas que quand j'ai su que j'allais vous rencontrer... Parce que Joseph, dans votre domaine, je crois qu'il a vraiment un petit talent. Enfin, le talent, vous savez, ici, on répare des machines à laver. Hein. Non, et puis pour être franc, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment adapté à ce genre de profil. Monsieur Marchetti, Joseph, nous, on le connaît et on l'accompagne depuis déjà pas mal de temps. Pour un jeune homme comme lui... Après 18 ans, il n'y a plus grand-chose. Écoutez, je vous propose quelque chose de simple, ok ? On va pas perdre de temps. Prenez-le à l'essai, une semaine. Ça n'engage à rien. Non mais, c'est pas de la mauvaise volonté, je vous assure. Hein. Non, sinon, il y aurait peut-être les petites courses. Comme on a un deuxième atelier à Montreuil, on lui donnerait du matériel, il prendrait le métro, il y a 4 stations, il pourrait aller... Alors oui, mais Je crois que ça vaut la peine d'abord de le tester sur un petit travail à l'intérieur de l'atelier. Parce que son univers, lui, c'est vraiment le monde des machines à laver. Hein. C'est là qu'il est habile. Après, pour les petites courses, oui, pourquoi pas, on pourra essayer. Bruno Haroche, ici joué par Vincent Cassel, et s'occupe d'une association qui aide justement à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il rencontre ici un chef d'entreprise qui est très réticent et qui ne se sent pas adapté, dit-il, pour accueillir le profil du Joseph, puisqu'il s'appelle Joseph, hein, le jeune homme qui est passionné par les machines à laver. Avez-vous vu ce film, Joseph Chevalier? Tout à fait. Et je ne peux pas être neutre parce qu'il y a plein de copains qui jouent dans c'est le vrai. Film. Mais le film hors norme n'est pas un film sur le handicap. Hein. C'est un film sur les réactions que le handicap procure chez les autres personnes. Et il y a ce côté fascinant de réinsertion des personnes dites valides par le contact, par la présence avec le handicap. Tous ces jeunes qui sont en situation de déshérence, un pied dans la drogue, pour ne pas dire les deux pieds, quoi, hein, qui subitement se trouvent face à des personnes qui ont un handicap en particulier très marqué. Hein. Cela vous chamboule, ça vous donne à réfléchir, cela vous donne peut-être une autre orientation de vie. Hein. Et au fond, il y a une question que personne ne se pose. À quoi sert le handicap? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes handicapées? Hein. Dame Nature est très économe. Regardez par exemple le corps humain. Il n'y a pas d'organes inutiles ou vains qui traîneraient par là. Un petit peu. On ne sait pas à quoi sert l'appendicite, la rate, je crois qu'on ne sait pas trop. Disons que ce sont des reliquats évolutifs, mais en tout cas, ça a servi à un moment donné. Voyez, mais globalement, la dame nature est très économe, quoi. Hein, voyez. Donc, dans le monde du handicap, pourquoi est-ce que, à travers les millénaires, il y a des personnes handicapées? Je pense que dans toutes les sociétés humaines, ces gens différents avaient un rôle, avaient des fonctions. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur ce sujet fascinant. Quel pouvait être le rôle des personnes handicapées autistes dans la préhistoire, par exemple? Ben, il y en avait, quoi. Peut-être même plus qu'aujourd'hui. C'est là que ça devient véritablement terrible. On se dit que peut-être nos sociétés à nous ne sont pas si inclusives que ça. Qu'elles le sont moins qu'elles ne l'étaient, en tout cas, c'est ça? C'est fort possible. C'est fort possible. Et on peut assister à ce phénomène, par exemple, dans les prises de décisions politiques actuelles. À chaque fois, malgré les promesses, malgré les discours larmoyants, à chaque fois dans les prises de décisions, on oublie les personnes handicapées. Hein. On pourrait citer mille et un exemple. Lorsqu'il faut des attestations de sortie, et quid des personnes aveugles? Ah, on n'y a pas pensé. Lorsque, par exemple, on crée un nouveau système d'achat de billets de train, ah, ben, on n'a pas pensé aux gens différents. Voyez? Et ça se répète systématiquement. Hein, donc, d'une certaine façon, nos tentatives de créer une politique inclusive ne sont qu'une lutte contre des tendances profondément excluantes. Ouais, la lumière des siècles derniers, alors je peux pas remonter jusqu'à la préhistoire, c'est plutôt quand même le mouvement de l'inclusion qui a eu lieu quand on regarde les textes de Foucault qui eux-mêmes parlent de la Renaissance où ce qu'on appelait les fous étaient complètement exclus de la cité, vivaient sur des bateaux pour pas qu'on soit en contact avec eux. On n'en est plus là aujourd'hui. Vous savez, Foucault est un très bel auteur, mais peut-être sur le plan historique, il n'avait pas forcément toute la parole d'évangile requise. Hein. Et sur les asiles, juste un point, pour vous laisser vraiment, vraiment en état de réflexion. Les asiles à l'ancienne, qui étaient des lieux peu recommandables, on est d'accord. Les asiles à l'ancienne étaient ouverts. N'importe qui pouvait entrer, pouvait sortir. Voyez, et c'est fascinant. J'ai visité nombre d'anciens asiles hein, historiques, que ce soit à Bergen en Norvège, que ce soit l'ancêtre de tous les asiles à Fès au Maroc. C'était des lieux ouverts. Comment se fait-il que nos lieux aujourd'hui, où s'exercent toutes sortes de sciences avancées, soient des lieux fermés hein? Si vous êtes personne handicapée vivant en établissement, vous ne pouvez pas dire bon ben là je vais me balader. Hein? Voyez. Ça donne à réfléchir. Donc, attention peut-être à certaines abréviations un peu trop rapides. Ça pose aussi la question, et je sais que vous la posez également, de la dépendance. D'ailleurs, le film L'extrait hors norme posait aussi cette question-là. Ce jeune Joseph qui ne peut pas trouver du travail sans l'aide de cette personne, hein, jouée par Vincent Cassel, qui dirige cette association. Il y a la dépendance à l'institut, la dépendance parentale. Est-ce qu'un des objectifs n'est pas aussi d'essayer de faire en sorte que la personne dite handicapée puisse acquérir une forme d'indépendance? C'est, je dirais, l'objectif, et l'objectif qui est de plus en plus laborieux à notre époque. Pardonnez de vous le dire comme ça, mais le Joseph en question, au 19e siècle, on ne se serait même pas posé la question de sa différence. On l'aurait pris comme matelot, C'est un bateau terminé. Le bateau part aujourd'hui. Voilà. Ah, il n'aurait pas eu une vie de luxe, c'est sûr. Hein. Mais il aurait eu quand même un rôle social. Hein. Il aurait bossé comme berger, comme bûcheron, comme que sais-je. Voyez. On ne se serait même pas posé la question qu'il est porteur d'indifférence. Hein. Et dans aujourd'hui, donc pour construire cet être adulte, hein, autonome, hein, dans tous les sens du terme, on est face à un nombre incalculable d'obstacles. Hein. Dans beaucoup d'univers, notamment celui de l'autisme, hein, tout s'est constitué autour de la figure de l'enfant. Le devenir adulte est un quasi-tabou. Et je veux dire, il y a un tabou encore plus fort, c'est le devenir vieux. Et non, le terme vieux ne doit pas être péjoratif. Hein. En Afrique, vieux, c'est un label positif. Hein. C'est un label de fierté hein, d'être vieux. Hein. Comment se fait-il que nous sommes dans une société tellement excluante, qui marginalise à tel point les gens au-delà d'un certain âge? Et on le voit dans les médias aussi. Hein. Vous voyez, c'est dramatique. Hein. Et là, nos sociétés occidentales sont une exception. Hein, dans l'aventure humaine. Hein. Et nos politiques, nos faibles politiques d'inclusion sont bien faibles, justement, par rapport à l'enjeu des forces d'exclusion. C'est ce que vous appelez la biodiversité humaine, c'est ça ? On peut utiliser ce terme, c'était un terme qui m'était venu à l'esprit de façon un peu potache, en tout cas il y a une diversité des fougères, des oiseaux, de je ne sais quoi, ben, l'être humain a aussi une diversité. Quoi, hein. Et à cet égard-là, il est drôle de voir quelqu'un comme Greta Thunberg qui milite pour une diversité dont elle-même elle est porteuse. Vous voyez, c'est saisissant. Hein. Et d'une certaine façon, ça donne... Attendez, dites-nous en plus sur Greta Thunberg. Non, Greta Thunberg, pardonnez le terme, mais elle nous en apprend surtout sur l'autisme. Hein. Il suffit de la voir, hein, de l'entendre parler. Hein. Elle parle, bien sûr, de la défense de l'environnement, hein, mais cette même biodiversité qu'elle défend dans ses discours, elle en est elle-même porteuse. Hein. Lisez les textes de la mère, par exemple, de Greta Thunberg sur l'exclusion scolaire dont elle a été victime, ses problèmes alimentaires. Voyez, donc elle a réussi, hein, c'est un coup sur un milliard, hein, à trouver dire, sa porte de sortie, sa porte d'épanouissement, quoi. Mais combien d'autres seront broyés à profil égal? I mean, in the beginning, it was not. Au début, ce n'était pas un point fort. Something that made my life much harder. C'était quelque chose qui a rendu ma vie beaucoup plus difficile. But then, under the right circumstances, mais ensuite, avec les bonnes circonstances, j'ai pu inverser la situation. Et au lieu que ce soit une faiblesse, j'en ai fait une force. Ça me rend différente des autres, je pense différemment, je pense hors du cadre habituel. Et c'est nécessaire pour voir ce qui se passe avec notre système actuel. Et sans cela, je n'aurais pas eu le temps ni l'énergie pour passer des milliers d'heures à lire tous ces faits. J'avais des intérêts particuliers. Dans cette interview de la RTS diffusée le 5 août 2019, Greta Thunberg revient sur son autisme et elle dit que c'est son expression, elle dit que ce sont les bonnes circonstances qui ont réussi à faire de son autisme une force. Tout à fait. Tout à fait. Et d'une certaine façon, elle est un peu la porteuse d'une grande question, quoi. De nos jours, tout finit par se savoir, scandale financier de mœurs ou que sais-je. Hein. Ben, Greta Thunberg, là, elle est vraiment la personne adaptée à notre temps. Hein. Si j'avais une cause militante à défendre de façon très cynique, je confierais cela à une personne comme Greta Thunberg. Aucun risque de scandale de mœurs ou financier, quoi. Hein. Et là, c'est quand t'es profondément honnête. Ce n'est pas elle qui viendra en jet privé nous pérorer sur le climat. Hein, vous voyez, et également, peut-être aussi, on voit sa profonde compétence issue de ces milliers d'heures de lecture, le fait qu'elle n'ait aucun sens de hiérarchie sociale, qu'elle soit face à un clodo, face à un empereur, elle parle de la même façon. Ça crée, je dirais, ce profil fondamentalement adapté pour son rôle et je dirais même pour notre temps. Quoi, hein. Et d'ailleurs, ce côté-là, c'est peut-être un peu privé à raconter, mais dans les sphères du du pouvoir hein, français, il se murmure sur un ton de plaisanterie qu'il faut choisir les autistes. C'est pour ça qu'on a choisi quelqu'un comme Castex, comme Blanquer, hein, vous voyez. Et il y a eu toutes sortes de ragots autour du prétendu autisme d'Emmanuel Macron, quoi, hein, vous voyez. Mais j'ai à dire, ça reste parfaitement dans des petits cénacles, et à mon avis, à tort. Hein, à mon avis, aucun des trois ne l'est. Hein. Je n'avais jamais entendu cette rumeur. Voilà, mais en tout cas, bon, vous voyez, ça, ce sont les petits ragots, mais donc cette idée de prendre appui sur la différence humaine par rapport à certains contextes, certains cadres d'action, hein, elle trotte dans certaines têtes. Quoi, oui, hein. Mais ça voudrait dire que l'autisme serait une sorte de garantie morale? C'est ce qui a été cru, je n'y crois pas à 100%, mais en tout cas dans les lieux où on emploie des personnes autistes, je pense par exemple à Andros, l'entreprise Andros, hein, eh bien c'est un lieu donc où on peut voir que l'absentéisme des travailleurs autistes est pour ainsi dire nul, le taux de grève des travailleurs autistes est pour ainsi dire nul, et à ce jour Andros n'a pas viré un seul autiste, non pas qu'on les protège, mais qu'il n'y a pas de raison de les virer. Ça pose un certain nombre de questions fondamentale sur comment est-ce que nous entendons structurer nos sociétés et avec qui. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous présenter pour la campagne présidentielle, puisque j'ai dit que vous avez un parrainage déjà. Je pense que la problématique n'est pas qui sera président, la problématique c'est cette structure, cette culture politique qui à mon avis est profondément insatisfaisante et j'oserais dire immature. Merci en tout cas, Joseph Chevanec, d'être venu ce matin nous parler. Merci beaucoup. Je renvoie les auditeurs à vos nombreux ouvrages. On les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. L'éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez, c'est aux éditions Plon. Nos intelligences multiples, le bonheur d'être différent, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et en mars, paraîtra aux éditions Luc Pire, Ils sont parmi nous, 38 portraits d'autistes célèbres. Toute la bibliographie sera donc disponible en ligne. On se quitte avec Leonard Cohen qui chante à sa manière l'utilité, la nécessité de ne pas ignorer ceux qui sont à côté et qui ne voient pas, dit-il. Écoutez. Oh please don't pass me by. Oh please don't pass me by, for I am blind, but you can see. Yes, I've been blinded totally. Oh, please don't pass me by. And you know, as I was walking, I thought it was them who were singing it. I thought it was they who were singing it. I thought it was the other who was singing it. I thought it was someone else, but as I moved along, I knew it was me and that I was singing it myself. It went, please don't pass me by. Pass me by, yeah. For I am blind, but you can see. Well, I've been blinded totally. Oh, please don't pass me by. Now I know that you're sitting there deep in your velvet seats and you're thinking he's up there saying something that he thinks about, but I'll never have to sing that song. But I promise your friends that you're going to be singing this song. May not be tonight, may not be tomorrow, but one day you'll be on your knees and I want you to know the words. When the time comes, 'cause you're gonna have to sing it to yourself or to another. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique philosophique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi attend-on aux urgences ? Parfois, nous revenons du service des urgences de nos hôpitaux avec un sentiment très paradoxal, avec une expérience qui est même devenue ordinaire et que nous prenons d'abord comme un motif de critique politique. Ce sentiment, qui ne l'a pas entendu en France récemment, c'est l'idée, voilà, je suis allé aux urgences et j'ai attendu 4 heures, 6 heures, 8 heures, une demi-journée. Les urgences, c'est l'endroit où on attend le plus. Ce paradoxe étonnant que c'est dans les services des urgences que l'on attend le plus longtemps peut-être dans nos hôpitaux aujourd'hui. On en est indigné, mais on n'en est pas tant étonné que ça. Et peut-être même au fond de cette indignation, y a-t-il quelque chose, au contraire, comme un soulagement et comme une confiance? Pourquoi exactement? Quelle est cette expérience étrange du temps dans le fait d'attendre, dans la souffrance pourtant d'être obligé de venir aux urgences, dans la douleur qui pourtant est impatiente d'être soulagée et impatiente d'échapper au statut du patient dont le nom même indique qu'on va lui imposer une épreuve temporelle de plus dans sa souffrance même. Eh bien justement, c'est cette double souffrance qu'il faut analyser un instant. L'urgence, c'est non seulement le danger mortel immédiat, mais c'est la conscience de cette immédiateté, de cette imminence, de ce tic dans l'urgence absolue qui nous sépare de la mort, cette double peine temporelle. Non seulement nous souffrons, par exemple, si nous sommes sur le point de nous noyer, mais en plus, nous avons cette angoisse du tic-tac qui vient nous harceler avant qu'on vienne nous sauver la vie à temps. Et cette souffrance temporelle est une dimension de la souffrance vitale tout court. Or, voici que nous arrivons aux urgences avec, heureusement, pas toujours la souffrance vitale extrême, mais peut-être une urgence un peu moindre. Nous avons une douleur extrême, mais qui ne menace pas notre vie, par exemple, une fracture qui est insupportable pour nous, mais qui ne menace pas notre existence et notre organisme. Et voici qu'au service des urgences, on nous classe, on nous dit « vous êtes dans telle catégorie et on va vous faire attendre ». C'est une triple peine. Il y a la souffrance physique, il y a une première souffrance temporelle, en voici une seconde redoublée par l'angoisse politique de voir les services débordés et finalement une anxiété sur la capacité des sociétés à prendre en charge les urgences. Mais au fond, il y a aussi un sentiment possible, si on nous l'explique bien, qui est un sentiment de justice temporelle. Nous attendons en fonction de la gravité des urgences. Les urgences les plus graves passeront avant nous et nous dirons, comme dans la morale de Lévinas, « Après vous, si vous êtes plus pressé que moi, plus pressé par l'urgence, j'attendrai. » Et d'une certaine manière, être capable d'attendre, c'est aussi voir son urgence replacée dans un ordre des priorités. Il y a une sorte de sagesse qui n'est pas seulement médicale, qui est plutôt médico-politique, dont la politique devrait s'inspirer et même qu'elle devrait inspirer des principes de justice qui devraient régler notre rapport à la vie et à la mort, individuellement et collectivement, peut-être aussi au niveau des urgences de la planète, pour savoir que attendre, répartir le temps des urgences est la clé de la justice entre les humains. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à réécouter en ligne sur le site de France Culture et à télécharger, à podcaster grâce notamment à l'application Radio France. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier, en compagnie de Manon de la Selle, Carla Michel, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, à la lecture des textes. C'était Bernard Gabet, à la prise de son, Jean-Guilain Meige. On se retrouve demain pour un cours particulier comme tous les vendredis. Demain, ce sera le policier Abdoulaye Kanté qui viendra nous parler de son métier. Policier donc, rendez-vous à 10h. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très simple, vous allez sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie, ou bien vous téléchargez l'application Radio France, qui vous permet d'écouter l'émission en direct et en podcast, comme ça vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions, et on y poste quotidiennement l'émission du jour. Un grand merci à Carla Michel qui va nous quitter cette semaine, merci pour tout le travail accompli tous ces mois-ci, Carla Michel donc s'en va, et j'ai le plaisir d'accueillir Thaïs qui dès la semaine prochaine sera à nos côtés. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.